إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية والخمسين، الآن سيكون مسألة وهي نفيهم الحكمة عن أفعال الله، كيل رفوز لا ساجيس دالله سبحانه وتعالى، كيل لا ركنس با. فقال القدح في حكمة الله تعالى، كيل ديفام لا ساجيس دالله سبحانه وتعالى. قال في الشرح، الله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم، que Allah se décrit lui-même comme étant doté de la sagesse parmi ses attributs. وأنه حكيم من أسمائه الحكيم. فقال الحكمة وضع الشيء في موضعه، فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها اللائقة بها. Donc la hikma, c'est quoi? C'est de mettre une chose à sa place. Donc le sage est celui qui met les choses à sa place qui leur convient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se décrit comme tel. هو ذو الحكمة البالغة. La grande sagesse. Parfaite. Donc, toutes ces makhloukat, toutes sont bâties sur la sagesse. Allah n'a rien créé si ce n'est par sagesse. ما خلق الله شيئا عبثا. Il n'a rien créé en vain, vainement. Qui n'est pas, une raison et qui n'est pas une sagesse dans son existence, ou elle est indiquée, hatta shaitan, hatta iblis, kullu hadhihi, ils ont tous une raison d'être et une sagesse dans leur existence. Donc c'est comme ça qu'il a créé as-samawat, ou les montagnes, et les mondes, les djinns, les hommes, les ba'ahim, c'est-à-dire les animaux, les insectes, kullu shayin khalaqahu Allah li hikmah. Tout avec sagesse. Donc celui qui voit, qui médite sa création, et on voit le résultat, se rend compte de sa sagesse. Comme encore le Ta'ala, A'ta kulli shay'in khalaqahu thumma hada. Comme il était décrit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Pharaon a interrogé Moussa, c'est celui qui a donné, l'a guidé à toute chose, c'est-à-dire qui a mis toute chose à sa place. Encore le Ta'ala, wa ma khalaqana as-samaa'a wal ard wa ma baynahuma batila. Il dit, nous n'avons pas créé les cieux, ou plutôt le ciel et la terre, et ce qui est entre les deux, faussement, c'est-à-dire en vain, sans raison. Et ça, c'est l'avis, la pensée de ceux qui ont mécru. Et malheur à ceux qui ont mécru, du feu. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il est sage, wa hakim, dans ses ordres, dans ses interdits, dans sa législation. Il n'a pas interdit une chose si ce n'est qu'elle contient un intérêt total, ou alors prépondérant, c'est-à-dire soit ça amène à un bien total, le fait de délaisser cette chose-là, comme de laisser le shirk, ou alors ça amène à un genre si une chose elle contient un peu de bien ou un peu de mal, dans son délaissement, le bien qui en découle est plus grand. Donc, il a ordonné cela. À l'exemple de quoi? Al-Khamr. Comme a dit Ta'ala, يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge à propos de l'alcool. Dit qu'il contient un péché et aussi un intérêt pour les gens. Mais leur péché est bien plus grand que leur intérêt. Donc, de là, Allah subhanahu wa ta'ala les a interdits. مثلا. Et également, il n'a pas ordonné une chose si ce n'est qu'elle contient un bien total ou alors un bien qui prédomine sur le mal qu'elle peut avoir. Car certaines choses peuvent avoir un bien et également contenir une certaine part de mal, on va dire à nos yeux. Mais le bien qui en découle est bien plus vaste. L'exemple qu'on donne souvent, que Shir Saadi dans son livre Al-Qawaid al-Fiqhiyya, Al-Jami'a, il donne l'exemple du djihad. Dans le djihad, Il y a du mal qui en découle, mais le bien qui en ressort est bien plus grand. Quand on dit le mal, c'est-à-dire les choses par rapport à notre nefs, comme la mort, comme la fatigue, comme la peur, comme la destruction, voir les aléas. Mais ce qui en découle par la suite pour l'humanité est bien plus grand encore. Donc Allah a mis toutes choses à sa place et a donné chaque chose son droit qui lui revient. Certains on les connaît, d'autres on ne les connaît pas. Mais les droits des mukallafin, tayyib, ils sont connus. Les droits des animaux, ils sont connus. Et certaines autres créatures, leurs droits sont connus auprès de nous. Et Allah nous a créés pour une raison particulière, comme vous le savez, qui est son adoration. Donc les gens de l'Jahiliya, eux ironisent cela. Ils voient un mal dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme ordre ou comme interdit. Et parmi eux, les gens de la bid'a, comme les Mu'tazila ou al-Asha'ira, qui eux, qui renient, yanfuna hikmatullah fi af'alillah subhanahu wa ta'ala. Fal asha'iratu yaquluna Allah la yaf'alu li hikmatin wa innama yaf'alu li mashi'atin mujarradatin faqat. La li hikmatin, li'anna al-hikmata ma'naha annahu ya'malu li ghardin wallahu munazzahun 'an al-aghrad. Donc ils disent quoi les Asha'ira? Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses par sagesse, mais le fait juste par sa volonté, parce qu'il le veut. Car si jamais il faisait par sagesse, ça veut dire que il a un objectif en cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala en est dénué. Pour eux, le fait de dire que Allah a un objectif, a un but, pour eux c'est un tanakkus min sha'lillah, c'est un défaut pour eux. Donc ils ont dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait, il le fait que parce qu'il le veut, c'est tout. Donc ce qawl, comme le shir le dit, c'est pour ça qu'eux ils disent, yani par la suite, يجوز أن يأمر الله بالكفر والفسوق والفسق والمعاصي وينهى عن الطاعة وعن إقام الصلاة وعن صلة الأرحام وعن فعل الخير لأن هذا راجع لمشيئته فيجوز أن يأمر بالشر وينهى عن الخير لأنه يفعل ما شاء. Donc ils disent c'est pour ça qu'il est permis à Allah يعني d'ordonner d'appliquer la mécréance ou les perversions ou les péchés et qu'il interdise son obéissance. Qu'il obéit, qu'il interdise la salat, qu'il interdise l'entretien des liens de parenté, tous les actes de bien. Cela revient à sa volonté. Vous voyez qu'Allah lui a permis de pouvoir ordonner le mal et d'interdire le bien. Il fait ce qu'il veut. فَقَالَ الشَّيْخُ نَقُلْ لَهُمْ نَعَمْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَكِنَّهُ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا لِحِكْمَةٍ. Que Allah fait ce qu'il veut. Cependant, quoi qu'il fasse, il le fait par sagesse. Ils disent également qu'il est permis que Allah subhanahu wa ta'ala rentre le kafir au jannah et qu'il rentre le mu'min au feu. Car cela lui revient à lui. Donc le shir dit, Naqul hadha al-kalam batil. La yaliku bi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Comme a dit ta'ala. Donc il dit cette parole-là, elle est fausse. Elle ne revient pas, elle ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lian Allah yakul fi kitabihi, am naj'alu al-lazina amanu wa amilu s-salihat kal mufsidina fil ard. Il dit, allons-nous faire de ceux qui ont cru et qui ont œuvré de bonnes œuvres, allons-nous les rendre égaux comme les corrupteurs sur terre, allons-nous égaliser entre les pieux ainsi que les pervers. Encore ta'ala, am hasib al-lazina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal-lazina amanu wa 'amilu s-salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Est-ce que ceux qui commettent de mauvaises actions pensent que nous allons les traiter comme ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, et quelles mauvaises pensées qu'ils ont. La façon de juger, elle est mauvaise. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans son livre qu'il n'égalise pas entre soleil et soleil. Donc comment dire par la suite, il fait ce qu'il veut, enfin, il fait ce qu'il veut. Mais il nous a démontré ce qu'il voulait. Il nous a démontré sa hikmah, et que sa hikmah, elle a un but par rapport à sa création. Wa ikamat al-tawhid wa al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar wa yadkhul fihi an-nahy 'an ash-shirk wa al-amr bil ma'ruf yadkhul fihi al-amr bil tawhid. Donc même qui est le fait d'ordonner le convenable et dedans rentre le tawhid min bab awla et l'interdiction du blâmable yadkhul fihi ash-shirk min bab awla avant. Donc eux les al-jahiliya, ils ont renié cela, et les mubtadi'a dans la umma, eux ressemblent à ces gens de la Jahiliya par ses prétentions. Et les kuffars aujourd'hui aussi le font. Ils voient que dans l'islam, il y a trop d'injustice. Ils ne voient pas la sagesse qui en découle, ou plutôt ne veulent pas la voir. Car elle s'oppose à leur passion. Comme le fait que on interdise l'alcool. Ils ne comprennent pas cela, parce que dans l'alcool, ils voient un bien, comme on l'a expliqué. Et même les médecins ont prouvé que l'alcool contient certains bienfaits pour la santé. Cependant, est-ce que pour guérir, par exemple, une minorité de personnes, on est prêt à mettre en danger des milliards de personnes? Car l'alcool fait bien plus de mal que de bien. Il va guérir une personne, mais il va en tuer peut-être des milliards. Quand je dis va guérir, il va être une cause de guérison d'une blessure parce qu'il cicatrise, ça aide à cautériser, ou ça aide à réanimer dans certains cas. Mais combien de gens se tuent par l'alcool au volant de leur voiture, ou lors des disputes, auraient les indiqués à combien? Le mal qui en découle est beaucoup plus grand, et ça, ils le savent très bien. طيب هذا كان من باب المثال ثم قال المسألة الثالثة والخمسون 53e مسألة تحيلهم لإبطال شرع الله qu'ils trichent pour pouvoir annuler ce que Allah سبحانه وتعالى a légiféré فقال المؤلف رحمه الله تعالى يعمل الحيل الظاهر والباطن في دفع ما جاءت به الرسل كقوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله وقوله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة donc il dit qu'ils trichent et qu'ils complotent en apparent de façon apparente ou cachée afin de repousser ce avec quoi sont venus les messagers comme dans sa parole où Allah dit ils ont comploté et Allah également complote où ils ont un stratagème, Allah a un stratagème. Dans le sens, le mot qui convient, en français. Et ça part dans le sens où il dit, et qu'une partie des gens du livre ont dit, croyez à ce qui est descendu sur ceux qui ont cru, en début de journée, et mécroyez à la fin de la journée. Tamam. Elle, c'est Yaqul. Min a'mal ahl al-jahiliyyati, min kitabiyyin, wal-umiyyin, i'amalu al-hiyal, bi taghyir shar'illah, subhanahu wa ta'ala, l'takhallus minhu, إنفاذ كفرهم وضلالهم لأنهم لا يقدرون على المصالح فصاروا يلجؤون إلى الحيل الخفية ماكرة ومع ذلك قوله تعالى عنهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين donc parmi les actes des gens de la Jahiliya parmi les gens du kitab ou les Umiyyin qu'ils cherchent des tromperies des duperies pour pouvoir changer la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se débarrasser, pour s'en débarrasser, et pour pouvoir extérioriser leur mécréance et leur égarement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une façon de pouvoir tricher, de contourner ce avec quoi sont venus les messagers. فَقَالَ الْمَكْرُ وَإِصَالُ الْمَكْرُوهُ بِطَلِقَ تْخَفِيَّةُ Donc c'est quoi le makr? C'est le fait d'atteindre une personne par une chose qu'elle n'aime pas de façon cachée. Comme l'ont fait les Yahouds, lorsqu'ils ont voulu tuer Isa, alayhi salam. Lienna, aadatahum, qatl al-anbiya. Car ils ont pour coutume de tuer l'anbiya. Donc ils ont voulu tuer Isa, alayhi salam. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir le roi des koufars, à cette époque, je pense que c'était un romain, pour lui dire que cet homme, en parlant de Isa, va changer ton royaume. Le jugement par lequel tu domines, il va te le changer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un tahrish. Ils ont remonté ce roi contre Isa pour qu'il le tue. Donc, lorsqu'ils ont voulu rentrer le shir site chez lui pour le prendre, pour le tuer, il dit, le shir site que l'un des apôtres de Isa, alayhi salam, s'est sacrifié. C'est-à-dire, il s'est mis en avant afin que ces gens-là le prennent à sa place et qu'il soit tué à sa place en recherchant par cela le ajr min Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce que le shir site ici. Tafasir que j'ai lu, ils disent que ce n'est pas une personne qui s'est donnée toute seule, mais en fait c'est celui qui a vendu Isa. Je pense que chez les chrétiens ils l'appellent Judas. Maintenant en islam, je ne sais pas c'est quoi le nom qu'ils ont donné, si jamais l'histoire elle est authentique. Al-Muhim, parmi les versions dites également que l'homme qui a vendu Isa au Kuffar est rentré dans la maison en premier pour pouvoir faire sortir Isa et que Allah a élevé Isa et a donné l'apparence de Isa à cet homme. Lorsqu'il est ressorti cet homme-là pour dire il n'y a personne, ils l'ont attrapé lui et c'est lui qui a été crucifié. Adam il mazukira. Donc même c'est parmi les choses qui ont été citées. Après, hel tazbut amla ava Allahu a'lam. Est-ce que c'est authentique ou pas, ça je ne sais pas. Ce que le shir ici évoque, nafs shay. Ma jabi ma yustanad ilay. Il n'a pas cité c'est quoi la référence pour pouvoir vérifier. El muhim qu'ils ont voulu tuer Issa, ça dans le Coran, ada shay mazkur. La nashuka fi dhalika. Ils ont voulu tuer Issa, ça c'est une chose qui est sûre. Et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux et qu'ils l'ont pas tué. Donc là, ce genre de sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles n'en sont citées, taïeb, que dans le fait de rendre l'appareil. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous attribue ce genre d'attribut, comme le makr, quand même, que face à ceux qui agissent de la sorte. Cela, ça démontre sa grande force pour dire qu'il est connu que même chez l'être humain, quelqu'un qui veut ruser avec toi, parmi la chose qui démontre que tu es plus fort que lui, c'est que tu retournes sa ruse contre lui en rusant toi-même. Quelqu'un qui veut comploter avec toi, eh ben toi aussi, tu serres son complot et tu lui rends. Ça, c'est parmi les stratégies, même dans les armées, ils font ça. Ils cherchent à savoir c'est quoi le plan de l'adversaire pour le retourner contre lui de façon cachée, qu'ils ne s'y attendent pas. Ah bah oui. Et celui qui arrive à faire cela, il est vanté. Ce n'est pas un défaut. Si jamais ce complot est utilisé à bon escient, ce n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est une qualité. De savoir ruser avec les gens quand les gens veulent ruser avec toi. Donc également, il cite que les juifs, Bardahada, Fikoli Azawajel, Wakalat Ta'ifatun al-Kitab, Aminu Billazion Zila al-Lazina Amanu Wajennahar, Wakfuru Akhira. C'est à quel moment qu'ils ont dit cela, quand ils ont dit, de croire, c'est-à-dire de se soumettre à l'islam en début, et d'apostasier à la fin. C'est lorsqu'ils ont vu que les gens rentraient en masse en islam, mazaqalu, pour pouvoir yani faire sortir les gens de l'islam, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ben vous, convertissez-vous à l'islam. Tant même. Wabarda zalika irtaddu. Et ensuite apostasiez. Pourquoi? Comme ça vous allez convaincre les gens que cette religion, si elle était si bien que ça, vous n'aurez pas apostasié. Donc des gens vont vous suivre. Fa aslamu li ajli ibtal dinillah. Ils sont apparentés à l'islam en apparence afin de pouvoir détruire la religion de l'intérieur. Rentrer dedans pour en sortir les gens qui en font partie. Adam ibn Makr, al-Hiyal, Adam ibn Nifaq, faire apparaître l'islam et renfermer le kufr. Donc ils ont fait cela. Min huna adil aya, d'où le verset ici. Tamam, ils ont fait cela pourquoi dire, dites que vous croyez afin de rentrer en islam et de là vous en sortez les gens. Car quand vous allez apostasier, les gens vont dire, mais pourquoi ils apostasient? C'est que la religion, elle a un mal. Ils vont vous suivre, ou des gens qui sont à l'extérieur de l'islam ne vont pas y rentrer. Pour dire, pourquoi je vais rentrer dans une chose que je vais arrêter par la suite? Avant. Donc là, le shir à la fin, il dit bien, il a fait une parenthèse qui est très importante. Wa jamila jiddan. Wa hiya. Que toute personne, hada lazi fahimtum min kalami. Toute personne qui s'apparente à la sunna, aux gens du tawhid, afin de pouvoir arriver à ses objectifs, il a des intérêts en cela, lui, il fait partie, ou du moins il a pris les voies des gens de la Jahiliya. On a des gens, ils font ça. Ils sont passés pour des gens droits, pour rentrer dans les rangs de la Salafia ou de Al-Sunnati, en but de quoi? De la détériorer de l'intérieur. Ils font apparaître l'ilm, ils font apparaître l'istikama, ils font apparaître l'armel tayyiba, des bonnes œuvres, de bons actes. Une fois que les gens leur font confiance, ça fait qu'on a bihim, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en retournent et prennent un maximum de gens avec eux. Ce sont les sifats des gens de la Jahiliya. Parmi le makr des gens de la Jahiliya. Et beaucoup de hizbis font ça aujourd'hui. Ils sont passés pour les salafis pour taper la salafia de l'intérieur. Arriver, perturber les gens et venir avec des règles innovées. Qala ba'da hada, fil mas'alati al-rabi'ati wal-khamsin. 54e mas'ala. الإقرار بالحق للتوصل إلى دفعه. Qu'il, ça rentre également dans la masala précédente. Elle a un lien. قال الإقرار بالحق يتوصل به إلى دفعه. كما قال في الآية. Donc ça ressemble au même la masala précédente. Qu'il reconnaisse la vérité afin de pouvoir la repousser par la suite. Comme on dit, j'avale pour mieux revomir par la suite. Donc le shir en parle. Toujours en se basant sur le même verset, car cette mas'ala, yanatija min al-sabiqa. que les gens de l'islam, les hommes de l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent en islam pour pouvoir le détruire de l'intérieur. Donc il dit bien à la fin le shir, par rapport à ça, aux gens qui font apparaître un khayr, qu'est-ce qu'il dit? Fayajib ala al-muslimin an yantabihu li hadha al-makr al-khabith, c'est-à-dire les gens qui rentrent en islam, que les muslims doivent faire attention à ce complot, à ce mauvais complot. Ala yamnahu al-thika li kulli man habba wa dab. بل عليهم أن يجربوا الناس تجربة صادقة ويختبروهم اختبارا دقيقا فإذا ثبت صدقهم منحوهم الثقة. Donc il dit il faut faire attention que les gens ne fassent pas confiance au premier venu, mais ils doivent tester les gens pour voir s'ils sont sincères, s'ils sont véridiques. Ils doivent bien les tester. Et si jamais ils se rendent compte de leur véracité, alors là ils peuvent leur faire confiance. Donc là ça revient bien à une chose, une mas'ala dans l'islam qu'on connaît qui est al-imtihan, le fait de tester les gens. Tu as le droit de tester les gens en islam, contrairement à ce que des personnes veulent dire. بعض الناس يقولون أن الامتحان بالأشخاص بدعة. Le fait de tester les gens par les individus, c'est une bid'a. Et هذا قول ما هو صحيح. Ce n'est pas vrai. Les salafs l'ont fait, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même avec cette jahiliya. فقال لها من أنا. Il lui a dit qui je suis. قالت رسول الله. وقبل هذا قال لها أين الله. En premier, il lui a dit, Inna Allah. Qalat fi sama. Qalat wa man ana. Qalat Rasulullah. Il lui a dit, oui Allah. Elle a dit, fi sama, au-dessus des cieux. Il a dit, qui je suis? Elle a dit, tu es le message d'Allah. Il a dit, à Muawiya, libère-la, car c'est une croyante. Donc il l'a testé. Et les salafs testaient les gens. Man yakul hada fi Ahmed huwa kaza wa kaza. Celui qui parle sur l'imam Ahmed, ça veut dire qu'il est kaza ou kaza. Man yataklam fi fulan fattahimu ala islam. Celui qui parle sur un tel, alors doutez ton islam. Voilà les alikas. Donc, l'imtihan bil ashras, idha kana hawla al ashras min al thabitin ma'rufin. Tamam? Fahadha shay mashru'. Ala shay mashru'. De tester les gens par les individus. Parmi ceux qui sont sur la sunna, thabt, qui sont fermes mais qui sont connus. Cela est permis. Sans exagération, et le faire en cas de besoin seulement, pas à tout va, c'est pas demain tu vas faire la boucherie pour prendre je sais pas moi, un bout de viande et tu testes le boucher pour voir si c'est un salafi ou pas, t'as pas besoin. Ou demain tu vas dans un masjid, tu testes l'imam pour voir qui il est, pas besoin. Tu fais cela quand tu as besoin de savoir à qui tu as affaire. Par exemple demain quelqu'un il vient, on ne sait pas d'où il vient, il veut faire da'wa. Lui il faut tester qui il est, se renseigner sur lui, d'où il vient, qui il fait une tasqiya, chez qui il a étudié. Et après, il faut tester, voir s'il est fiable. Naam. Ou demain, tu veux faire quelque chose avec quelqu'un en particulier. T'as une maslaha derrière. Tu testes, savoir à qui tu as affaire. À tout va, non, il n'y a pas à le faire. Demain, tu vois quelqu'un dans la rue, un musulman, tu n'as pas à le tester. Tu n'as pas à le tester comme ça. Comme des gens ont voulu faire croire que c'est la fille, ils font. Que ça amène à tester tout le monde. Ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Là, il faut la tafrit. Vous voyez? Le test, faut le faire, mais comme il faut, avec qui il faut et quand il faut. Pas n'importe comment. Tant même. ثم قال في المسألة الخامسة والخمسين 55e مسألة تعصبهم لما عليه من الباطل qu'ils se fanatisent sur ce quoi ils sont comme faux. فقال et ça ressemble à la mas'ala précédente qu'ils n'acceptent la vérité que de ceux qui viennent de chez eux ou qui n'acceptent que ce qui vient d'eux. على شبه ça ressemble tant même ça ressemble. فقال التعصب للمذهب كقوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. Donc ils se fanatisent pour leur madhhab, c'est-à-dire leur pensée, c'est sur quoi ils sont. Comme dans la parole d'Allah où il dit et ne croyez dans le sens où il dit et ne croyez qu'en ceux qui ont suivi votre religion. فقال الشيخ الفوزان في شرح التعصب الممقوت للشيء هو التمسك به مع العلم ببطلانه. Donc le ta'assoub, le fanatisme, et particulièrement celui qui est vraiment mauvais, c'est s'accrocher à une chose tout en sachant qu'elle est mauvaise, qu'elle est fausse. Tu t'y accroches quand même. Tamam? فَهَذَا مِنْ مَسَلِ الْجَهِلِيَا. C'est parmi les masel de la jahiliya. التَّعَصُوب لِلْمَذَبْ الْبَاطِلِ. De s'accrocher et de défendre, se fanatiser pour une chose qui est fausse. Comme l'ont fait les Yahoud dans le verset cité précédent. وفي آية أخرى قال تعالى نؤمن بما أنزل علينا et nous croyons ce qui est descendu sur nous seulement pas au reste. Donc le shir est dit من ذلك تعصب أتباع المذاهب لمذاهبهم من غير دليل. Ceux qui s'accrochent se fanatisent à leur madhhab sans dalil. فالواجب على المسلم عموما وعلى طلبة العلم أن يتبعوا الحق سواء كان في مذهبهم أو في مذهب غيرهم. Donc c'est obligatoire aux musulmans de façon générale et surtout aux tulab al-ilm, c'est qu'ils suivent la vérité, qu'elle soit avec leur mazhab ou pas. Tamam? Donc il dit, faut pas marcher sur un mazhab, quoi qu'ils disent, tu acceptes, qu'il soit vrai, que ce soit faux, j'accepte, c'est son mazhab. Non. Il dit, na'khouz al-sawab, on a tout le khata. On prend ce qui est vrai, on délaisse ce qui est mauvais. Donc là, il vient avec l'exemple des mazahib. Celui qui est Hanbali, si tu vois la vérité chez le Maliki, tu prends. Si tu es Hanafi, tu vois la vérité chez le Shafi'i, tu prends. Rezalika. Tu dis pas, je suis Shafi'i, je suis Shafi'i. Rezalika. Tu prends le haq, aynama wajadtahu, où tu le trouves. Lakin, hada al-qawl fi al-haqiqa, cette parole-là, en réalité, cet avis, c'est l'avis de Shir, d'autres ont le même avis. Et en ce qui nous concerne, moi je suis convaincu que s'apparenter à un mazhab n'a aucune utilité. Car si tu as la vérité chez le Shafi'i, ou tu l'as chez le Maliki, ou tu l'as chez le Hanbali, pourquoi s'apparenter à son mazhab? Et après aller prendre ce qu'il y a ailleurs. Comme le disent les mashayikh, tu restes neutre, muslim, sunni, salafi, et tu prends la vérité où elle est sans t'apparenter à un mazhab. Il n'y a pas besoin. Si le code de l'imam Ahmed il est sawab, tu le prends sans te dire je suis Hanbali. Si le code de l'imam Shafi'i est sawab, tu le prends sans dire je suis Shafi'i. Si c'est Abu Hanifa qui a raison, tu prends son code sans dire je suis Hanafit. Ah, ça. On a vu que le fait de s'apparenter à des mazahib a amené à beaucoup de mal. Beaucoup de mal et beaucoup de farqa dans la Ummah. Et de plus, des gens peuvent dire moi je suis Shafi'i, je n'ai rien contre les Malikit par exemple. On va dire, Tayyib, si tu n'as rien contre eux, toi tu as préféré Shafi'i. Pourquoi? C'est-à-dire tu préfères Shafi'i à Malik. Mathalan. Et tu le vois qu'il a plus raison. Et le Malik, il va dire, non, moi je veux que c'est Malik qui a plus raison. Donc ça a amené à quoi? Une division. Un désaccord sur la personne. Alors que celui qui reste neutre et prend la vérité où qu'elle soit, Alhamdulillah, ma arsullahu zalik. Il n'arrive pas à cela. Mais certains disent, non, tu prends un mazhab, tu achemines dessus pour te faciliter pour pas t'embrouiller à droite à gauche. On dit, mais Alzem, même si tu veux étudier un madhab, t'es pas obligé de t'y apparenter. T'es pas obligé de t'y apparenter. À partir du moment où tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, à la kitab au sunnah, ça va se voir. Ça va se voir. Le sunni salafi, ça se voit qui il est. Et si demain il fait un acte sur une mas'ala, quand même, on lui dit pourquoi tu fais cela, est-ce que t'es malékite? Il dit non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kaza wa kaza wa kaza. C'est pas la meilleure des réponses qu'on puisse avoir. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit salat, salat, salat. Pas parce que je suis maléki donc je fais comme ça, non. Ça n'existe pas, ça en islam. Je suis maléki donc je fais comme ça. Ça amènera à faire quoi? À attribuer ce mazhab comme étant un sharia. Comme étant un sunnah. Tu dis non, je fais cela parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Parce que les sahaba l'ont fait, les salaf l'ont fait. Mais le reste n'a pas le de s'attribuer un mazhab en soi. Et ça c'est l'avis qui est plus juste dans cette affaire. Wallahu ta'ala a'lam. Donc parmi les sifat des gens de la Jahiliya, at-ta'assub. Tamam? Et ça aussi c'est présent chez les gens de la Hizbiyya, comme on le citera inchallah dans l'audio final. Thumma nukmil. Ah ouais, et aussi également on dit quand il y a une masala, tu ne la connais pas, tu demandes au ulama une fatwa. Qu'il te fasse une fatwa. Faire une chose, et bien évidemment, la fatwa, demande le dalil. Il n'y a aucun mal en cela, comme on l'a expliqué. Et de là tu agis. Parce que là, ça veut dire quoi? Celui qui est malikite, il va aller voir que peut-être un alim qui est malikite. Alors que ça se trouve, la fatwa, authentique, elle sera sur celui qui suit l'imam Ahmed, mathalan, qui s'apparente au mazhab Hanbali. Donc comment tu fais à ce moment-là? Celui qui est malikite, s'il me demande une fatwa, sur un sujet de masala qu'il ne comprend pas, il va demander à un savant de son mazhab. Il va regarder dans les livres de son mazhab. Alors que ça se trouve, la vérité, elle sera ailleurs. Donc comment il va le savoir? À part si on dit qu'il va demander à plusieurs ulama, s'il demande à plusieurs ulama, ou l'intérêt d'avoir mazhab à ce moment-là. Tu restes neutre, comme on disait. Muslim, sunni, salafi, alhamdulillah, et tu prends les aqwal des ulama, qui qu'il soit, tant qu'il est véridique. Et bien évidemment, tu prends les ulama de la sunna, la science. Taïeb. Thumma qala, nukmil bihadi al-mas'ala al-sadisa wal-khamsin, qui est la 56e mas'ala. Tasmiyatuhum al-tawhid shirkan, qu'il nomme le tawhid comme étant du shirk. فقال المؤلف رحمه الله تعالى تسمية أتباع الإسلام شركا تسمية اتباع الإسلام شركا كما ذكره في قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Donc ils appellent le fait de suivre l'islam comme étant du shirk. Comme Allah SWT l'a dit dans le sens où il dit, et qu'il ne revient pas à un homme à qui Allah a accordé le livre ainsi que le jugement et la prophétie, puis il dit aux gens, soyez mes serviteurs en dehors d'Allah. Donc ça, le shirk est dit par la suite. C'est parmi les masels de la jahiliya. Le fait de nommer le tawhid et le fait de suivre la vérité comme étant du shirk. Hada min qalb al-haqa'iq. Ça, c'est un retournement de réalité. أن يسموا التوحيد شركا qu'ils appellent le tawhid shirk. Et ce verset descendu sur qui? Sur les Nasara de Najran qui sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'entretenir avec lui. فدخلوا عليه في المسجد فأخذوا يتفاوضون معه يتفاوضون معه فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الدخول في الإسلام. Donc ils ont parlé avec lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a exposé l'islam. وبين لهم أن الأنبياء جميعا أخذ عليهم الميثاق لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم واحد منهم حي لاتبعه. Donc il leur a aussi démontré que les prophètes tous ils ont pris le, comme engagement, comme pacte, que si Mohammed devait venir alors qu'ils sont vivants, ils le suivraient. Tous les prophètes. Donc là, l'un de ces Nasara, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ya Mohammed, est-ce que tu veux que l'on t'adore? Donc là, ils ont nommé l'islam comme étant l'adoration pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont appelé le fait de suivre comme étant du shirk. Et comme étant une adoration, un culte qui lui est voué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset. Tamam? Car les anbiya sont venus pour appeler les gens au tawhid. Lam yajou bi shirk. Ils ne sont jamais venus pour le shirk. Wa ma ja'ou bi da'wati nas ila ibadatihim. Ils n'ont jamais appelé les gens à les adorer. Ça, c'est parmi les choses du Tarout. Man ubida min dunillah wa radin. Wa man yad'u an-nas ila ibadatihi nafsihi. Parmi les têtes du Tarout, celui qui adore qui agrée, ou celui qui appelle les gens à l'adorer. Les anbiya n'ont jamais appelé à cela, bien au contraire. Ils sont venus pour tout le contraire. Donc là, il dit c'est pareil. Il y a des gens aujourd'hui, en islam, ils font la même chose. Ou pareil, parmi les gens des mu'attila. Pour eux, le tawhid, c'est de supprimer tous les attributs d'Allah, ce moment-là, c'est non. Celui qui yuthbit lillah asma'ahu wa sifatihi fa'ada mushrik. Celui qui attribue à Allah ses noms d'attributs, c'est un mushrik, elle leur a fait ressembler Allah à sa création. Donc c'est Allah, il y a trop de finesse chez Boha. C'est la même as'ala. C'est la même, un même fond sous des formes différentes. Ils rendent le faux vrai et le vrai, ils le rendent faux. Et ça, c'est la sorte des masaïl qu'on a déjà pris auparavant. Wal'a'adhu billah. Et on a des gens qui font pareil aujourd'hui. Ils appellent la salafia comme étant quoi? La hizbiya. Ou d'autres, ils appellent la salafia comme étant la haddadiya. On en parlera plus tard, inshallah. À la kullin. Aujourd'hui, ce sont les masels qu'on a appris, qui sont qu'ils refusent la hikmah d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, qu'ils trichent pour pouvoir annuler la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Kazalika, qu'ils reconnaissent la vérité afin de pouvoir la repousser. Pour arriver au faux. وكذلك تعصبهم لما عليه من الباطل qui se fanatise sur le faux sur lequel ils se trouvent. كملنا بماذا, on a fini par le fait qu'ils appellent le tawhid comme étant du shirk. La même qu'ils appellent le vrai comme étant du faux. هذا هو. فبدل كده نكتفي ونقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.